À contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici en compagnie de Lia pour une nouvelle heure avec vous en direct sur Radio Gemozo. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui est la discrimination. Donc, la discrimination, pourquoi ce sujet? Nous avons présenté une fresque du burn-out dernièrement et nous avons vu qu'il y avait ce qu'on appelle un contexte qui se racontait sous le manteau. Il m'a été fait une réflexion durant cette fresque du burn-out par deux psychologues du travail qui m'ont dit oui, c'est très bien tout ce que vous expliquez, mais n'y aurait-il pas un profil pour les personnes qui sont en burn-out. J'ai donc eu un sursaut et après un petit silence, je suis montée au créneau. Apparemment, c'est un propos qui passe, je dirais, populaire, qui est que certaines personnes seraient plus aptes à faire un burn-out que d'autres. Alors là, ça m'a un petit peu obligée à, on va dire, faire des recherches pour pouvoir expliquer mon point de vue. Alors, mon point de vue, il a paru peut-être choquant à ces personnes parce que quand on m'a parlé de profil, j'ai posé la question. Ce qui veut dire le profil, ce serait un perfectionniste. Là, j'ai été sur un site qui s'appelle My Happy Job qui explique quelles sont les personnes éventuellement le plus vulnérable, donc le perfectionniste qui aurait un désir incessant de répondre à des standards inatteignables. Alors, qui est-ce qui lui donne des standards inatteignables? Apparemment, on mettrait la faute sur la personne qui choisirait d'avoir des standards souvent inatteignables. Ensuite, des exigences irréalistes. Alors, est-ce que c'est l'employeur qui lui donne des exigences irréalistes ou c'est la personne qui se les pose? C'est toutes ces questions que nous allons nous poser pendant cette heure de radio avec vous. Ensuite, il y a une quête incessante de contrôle et de perfection. Bon, moi, je dirais que ça fait partie des spécialités de chacun. Alors, peut-être certains sont plus minutieux que d'autres, d'autres moins. Moi, jusque-là, je vois pas de profil. Mais bon, on peut imaginer un profil. L'hyper-engagé, les personnes qui ont un fort rapport d'engagement au travail. Voilà, le compétiteur, celui qui a la compétition acharnée. De nouveau, est-ce que c'est l'individu ou est-ce qu'on lui pose la compétition comme étant un atout majeur par rapport à son poste? Qui travaille constamment sous stress et urgence? Qui est-ce qui impose le stress et l'urgence? L'employeur ou l'employé? Donc là, c'est très ambigu. Jusque-là, j'essaye de vous montrer l'ambiguïté de la situation. L'ultra-responsable, qui a un sens des responsabilités très élevé. Devrait-on donc avoir moins de sens des responsabilités? Qui est investi de sa mission, donc devrait-on se désinvestir? Qui est extrêmement compatissant, hypersensible? Devrait-on être cynique et non sensible? Toutes ces questions se posent et on dit en plus que c'est un individu qui a une faible estime de soi. A-t-il, cette personne, une faible estime de soi ou lui a-t-on inculqué une faible estime de lui? Tout ça, c'est très ambigu et dans cette ambiguïté, ils finissent quand même en disant « tout dépend de la rencontre d'une personnalité avec un environnement ». Et là, on vient au cœur du sujet, la rencontre d'une personnalité avec un environnement. Je reprendrai la définition de l'OMS par rapport à l'épuisement professionnel, donc au burn-out. C'est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été géré avec succès. Et là, je m'étais déjà révoltée à plusieurs reprises parce que qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est donc l'individu qui est responsable de ne pas gérer avec succès des façons d'être qui sont problématiques et qui sont difficiles. Dans ce sens, je trouve que là, on reste dans une ambiguïté qui me déplaît et qui m'hérisse un peu les poils. Hein. Comme j'avais dit à Lia l'autre jour en riant, j'ai les poils qui bandent. Parce que je me rappelle bien de celle-là. Oui, tu te la rappelles, celle-là. Parce que là, franchement, quand j'entends ça, je grimpe au mur. Pour ça, on va écouter une petite partie d'un podcast qui fait partie d'une émission de Radio France sur France Culture,

le travail, il y a des critères d'efficacité dans le management. Donc, l'employé doit être efficace. Donc, ce qu'on a lu précédemment, qui disait des standards souvent inatteignables, sont-ils donc le fruit d'un management qui dit il faut absolument atteindre ça, même si c'est inatteignable. Des exigences irréalistes aussi. Un contrôle et une perfection aussi. Daniel Ninard nous dit également que c'est une domination qui retrouve sa légitimité par rapport au manager. C'est-à-dire que le manager, il trouve une manière de dominer l'employé et on verra par la suite, elle nous explique plus ou moins comment elle voit les choses, et puis d'inscrire dans le travail le fait que le manager a main mise sur l'employé. Donc on enlève une partie, je dirais, de l'humanisation de l'employé pour déshumaniser ce rapport qu'il y a avec l'employeur et puis pour un résultat, pour être rentable et plus de profit. Et on est toujours là-dedans. Je pense aujourd'hui, je le dis très sincèrement, n'hésitez pas à intervenir au 03 29 62 40 40 ou sur nos pages Facebook de Radio Gémozo ou de Ralentir pour vivre. Tout à fait. Parce que là, si vous avez quelque chose à dire, on a envie de l'entendre, nous. On a envie que vous soyez anonyme ou que vous nous disiez, voilà, moi j'ai ça à apporter à ce que vous êtes en train de dire. C'est intéressant que vous soyez employeur ou employé. Et on sait que voilà, il n'y a que la parole qui puisse aider à enfin casser tous ces stigmates et ces tabous. Oui, on est vraiment dans un sujet de discrimination. J'avais été surprise il y a quelque temps en arrière, il y a 3 ans quand on a commencé, et qu'on parlait du sujet dans lequel était inscrite cette émission, qui était la discrimination. Oui. Et je n'avais pas vu l'importance, et je te remercie de m'avoir mis le doigt dessus, parce que effectivement, c'est un sujet qui est très discriminatoire. Tout à fait. Parce que tout repose sur l'individu. Et je rappelle que Ralentir pour vivre a comme objectif et comme fer de lance le fait que l'individu n'a pas à se sentir coupable d'être victime. Et ça, c'est vraiment hors de la stigmatisation, hors du profil. Le profil, pour moi, ça n'existe pas. Je le dis directement. J'essaye de vous amener à comprendre mes arguments. Donc, c'est pour ça que j'essaye de développer le sujet. Mais sincèrement, là, on ne peut pas dire qu'il y a un profil. C'est pas possible. Ben, ça veut dire encore que c'est nous qui sommes responsables, quoi. Oui, mais là, on va le comprendre petit à petit, mais c'est vrai que là, il faudrait faire une recherche dans l'organisation du travail, parce que l'excès de charge, c'est pas l'employé qui choisit. Alors, dans le profil, j'avais repris un peu ce qu'on m'avait dit en disant, alors si je comprends bien, un profil, enfin je l'aurais pas dit, je l'y ai pensé après coup, mais voilà mon argument, un profil ça veut dire deux personnes d'un âge entre 25 et 30 ans se rencontrent, vivent une belle idylle amoureuse, se marient, font des enfants, achètent une petite maison parce qu'avec les enfants c'est plus pratique, ont une voiture, allez, pas de voiture mais presque, ils vont en vacances. Voilà que monsieur se fait licencier. Madame est dans un travail qui, elle, on lui demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Que va-t-elle faire ? Poser ses limites ? Parce que ces deux personnes m'ont dit, ah mais il faut savoir poser ses limites. Oui, d'accord, mais vous avez peut-être 2 enfants, des crédits à payer et tout. Posez vos limites dans ces cas-là. J'aimerais vous voir à l'œuvre, j'aimerais vous voir sur le terrain. Donc, l'employeur ressent bien que l'employé a vraiment besoin de travailler. Donc, dans le management, bah, on va lui dire oui, mais tu vois, et puis bon, c'est important, la compétition, si tu veux garder ton poste, puis pas, puis pas. Ben oui, il y a quand même une manipulation qui est indirecte, qui est lourde. Parce que dans la charge de travail qui écrase de plus en plus les salariés, on oublie et bien souvent on minimise, les employeurs minimisent qu'ils surchargent leur personnel. Mais on voit ça à longueur de temps, des licenciements, des postes où les gens ont de plus en plus à faire. C'est courant, c'est vraiment monnaie courante. Là, on va entendre une autre petite partie du podcast où elle parle de la psychologisation du management. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir quel est le biais que le management a trouvé pour pouvoir faire que les employés soient, oui, peut-être responsables,

Voilà. Les plus hauts, quoi. L'idée, elle est quand même de faire prendre conscience. Et quand on m'a parlé de profil, j'ai vraiment eu envie, alors, chères auditrices et auditeurs, de vous faire prendre conscience que là, derrière ce profil, parce que combien de personnes vont dire « Ah oui, mais c'est de ma faute. Ah oui, mais c'est moi qui n'ai pas su dire non. Ah oui, c'est moi qui n'ai pas posé mes limites. » Mais dans quelle mesure réellement la personne pouvait poser des limites? Dans quelle mesure pouvait-elle dire non? Parce que dire non, moi, il y a 20 ans, le jour où j'ai dit non et que j'ai posé mes limites, j'ai été licenciée dans les 6 mois à venir. Ben oui, donc c'était clair. Donc si on a une liberté, parce qu'on peut l'avoir, cette liberté de se dire, ben j'aurais plus de travail, je serais au chômage, mais c'est une grande décision quand même, c'est quelque chose de grave. On met l'individu seul responsable face à ça, c'est-à-dire c'est à lui de dire, non je ne peux pas, je quitte mon emploi, d'accord. Mais tu fais quoi si tu quittes ton emploi et que tu as des dettes, que tu as des enfants, que tu as une vie à assumer? C'est quoi la solution? Et là, je trouve très cruel. Pour moi, c'est très violent parce que quand j'ai dit que la stigmatisation, la discrimination est le côté, le profil, la personne ne sait pas poser ses limites, ressemble à la mini-jupe de la fille qui se fait violer, on m'a dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est violent ?» Eh bien, je tiens à le dire à l'antenne, pour moi, parler d'un profil, c'est très violent, c'est cruel et c'est, à mon avis, inadapté à une situation managériale actuelle qui ne correspond pas à une liberté de l'individu de dire non. Est-ce qu'il en a la liberté? Je ne pense pas. On va prendre une petite pause musicale pour se reposer un peu les neurones. Et auditeurs, prenons garde à nous. Ça me paraît très, très important. Alors, je tenais aussi à dire que si vous allez sur notre page Facebook de Ralentir pour vivre à Beau, eh bien, il y a un questionnaire relatif au vécu du travail, car après avoir rencontré effectivement deux psychologues du travail lors d'une conférence, j'ai été contactée par quatre autres, qui cherchent à faire leur master de sciences humaines sur le burn-out. Et donc, elles ont diffusé un questionnaire pour élaborer leur étude qui est sur notre site. Vous pouvez aller directement donc sur Ralentir pour vivre à Beau. Et donc, ces trois demoiselles, Audrey Grassat, Valérie De Grave, Aliénor Dubois et Jeanne Favier, je les ai eues au téléphone parce que j'ai quand même voulu leur parler avant. Et elles, qui sont la jeune génération, étaient tout à fait d'accord quand même avec moi que c'est une manière de déshumaniser l'individu que de ne plus vouloir qu'il ait ni d'empathie, ni de savoir-faire dans son travail, ni de perfectionnisme, toutes les qualités qu'on peut trouver chez quelqu'un, alors qui sont à mon sens exploitées par le management, et après on dit « ah oui, mais c'était lui ». Donc, je suis pas très d'accord avec ça, parce que, à mon sens, on doit rester être humain. Et un être humain, eh bien, il y a des gens plus investis, des gens moins investis. Mais vous vous rendez compte, si on arrivait dans une société où on ne s'investirait plus, où on dirait non, on mettrait des limites, on serait cynique, on n'aurait plus d'empathie, on voudrait plus rien faire perfectionner, ni même du bon boulot, on ferait notre boulot, pauvre, bâclé, la paye à la fin du mois, salut. Non, mais on va où, là? On va où? Je me pose vraiment la question. Donc, est-ce que les vocations, parce que par exemple dans la santé, est-ce qu'une infirmière peut dire « Ah ben non, moi je suis pas d'accord, il me faut plus de temps pour m'occuper du malade ?» Mais elle n'a rien à dire. C'est bien ce qu'on a entendu, la déprofessionnalisation. Voilà, j'y vais y arriver, il y a ce poil de rire, parce qu'effectivement, j'ai buté contre la déprofessionnalisation. Ça y est, il n'est pas facile celui-là en même temps. Non, il n'est pas facile. Donc, y aurait-il des préjugés à éliminer? Là, je trouve important de voir que ce sont vraiment des croyances parasites qui consistent à penser que le burn-out ne touche que certains métiers ou profils. Ce qui est tout à fait faux. Parce que Nadège Guidou, qui prend le temps d'expliquer ce qui conduit au burn-out, qui est une scientifique, elle dit qu'on voit des burn-out dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Il y a des conditions de travail ou des situations qui sont tellement dégradées que l'épreuve est tout simplement impossible à dépasser. Donc, il y a des environnements qui sont malsains et de toute façon, on sait que, vu que c'est contagieux, donc si un manager est en burn-out parce qu'il a eu de la pression depuis plus haut, les employés vont eux aussi être en burn-out. Donc, il faut prendre ça quand même à bras-le-corps et enlever ces préjugés qui sont malsains, je le redis. Parce que le profil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a besoin de son travail, ça veut dire que on obéit à des ordres, ça veut dire que, parce que j'ai rarement vu un employé qui, de son plein gré, travaille le week-end parce que son patron ne lui a pas demandé, mais il a envie d'être le meilleur des meilleurs. Il y en a peut-être quelques-uns, mais que quelques-uns, à mon avis. S'il n'a pas peur de perdre sa place, je suis pas certaine qu'il va passer le week-end à bosser. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lia? Ah, c'est un sujet compliqué, là, sur lequel tu me lances. Oui. On en reparlera après tes vacances, d'ailleurs. On en reparlera après mes vacances, quand on, peut-être qu'on approchera cette boulimie du travail. Oui, parce que ça existe. Mais alors, est-ce qu'elle n'est pas due également au fait de ne pas vouloir perdre sa place? Question. Oui, c'est t'auras possible. T'auras toutes tes vacances pour y penser. Non, mais, tu vois, je te préviens, comme ça, le sujet va venir après les vacances de Lia. Donc, ça veut dire fin avril, début mai. C'est ça. Hein, voilà. Mais bon, si je reprends un rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, il dit que notre société, obsédée par la croissance économique, subit une crise de la santé mentale dans le monde. D'accord? Son rapport titré « L'économie du burn-out ». Il parle d'un cercle vicieux. Il parle de presque 970 millions de personnes dans le monde qui seraient touchées par des problèmes mentaux au travail. Donc, on n'est plus en train de parler d'un gars qui est perfectionniste, là. Hein, on est quand même dans un autre sujet. Est-ce qu'on n'est pas comme le taureau

effectivement, c'est difficile de sortir de tout ça parce que on vous prend par c'est ludique, c'est le bonheur, c'est la débauche. On retrouve cette mobilisation à la fois corporelle et spirituelle, tout à et fait. Cette forme d'incorporation et d'appropriation des principes. Oui. C'est-à-dire que ça n'est plus seulement à moi de me fixer insidieusement les objectifs à atteindre, c'est aussi à moi d'être à la hauteur de cette vie, parce que c'est presque, pardon pour le mot en anglais anglo-saxon, mais on est bien sur une semaine dans le management de lifestyle. C'est vraiment, on vit le travail au quotidien. Oui, voilà, chères auditrices et auditeurs. Alors là, on retiendra quand même de l'incorporation. Alors, c'est effectivement le genre de vie qu'il y a dans les holdings, c'est-à-dire que vous faites partie comme une secte, hein. C'est un peu la même chose. Vous suivez, vous avez vos activités professionnelles, vos activités de loisirs, tout est en fonction de ça. Les boss vous font une vie la plus jolie possible. Comme ça, il n'y a aucune porte de sortie, c'est une prison dorée. Donc ça aussi, ça existe, les prisons dorées. Et c'est une incorporation. Et il faut être à la hauteur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment correspondre au modèle qu'on cherche, et c'est un style de vie, une lifestyle, c'est un style de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on admire les gens qui ont ce genre de vie, parce qu'ils ont accès à du luxe, indirect ou direct, de par leur salaire, ou de par leur incorporation dans l'entreprise, ou de par le fait que, eh bien, ils sont avec un statut social qui leur permet d'être quelqu'un d'important. Et je trouve que là, il faut vraiment voir le travail comme quelque chose de difficile à comprendre quand on a la persuasion de se dire qu'il y a un profil. Je ne pense pas, et fondamentalement, et je le redis, alors vraiment, chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à réagir, je le redis et le redis et le redis, il n'y a pas de profil. Il y a la rencontre d'un individu avec un environnement. Et ça, il ne faut pas l'oublier, que l'environnement est, à mon sens, le plus important. Il y a plus de 20 ans en arrière, je disais toujours, une marguerite, elle est jolie, mais si on la plante dans un endroit qui n'est pas apte à faire fleurir une marguerite, elle va mourir. Et si elle n'a pas d'eau ou si elle n'a pas de nutriments, elle va mourir. Donc, c'est bien gentil de dire que la marguerite, elle avait qu'à vivre malgré tout. L'individu doit s'en sortir, même s'il est poussé dans ses extrêmes. Et pour ça, je voudrais parler de Marie Pézet, qui parle de l'organisation du travail qui fait le terreau du burn-out. Donc là, on en vient bien à la marguerite. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu est dans un terreau qui le conduit au burn-out. Alors, après, qu'on vienne lui trouver, c'est l'histoire de la mini-jupe, que ben il aurait mieux fait d'être moins élégant, moins ci, moins ça, qu'il devrait pas être aussi gentil, qu'il devrait pas être aussi travailleur, qu'il devrait pas être aussi méticuleux. Bien ça, c'est bien gentil, mais c'est quand même le terreau de l'organisation du travail qui a fait ça. Elle parle du burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Elle est psychologue spécialiste du sujet, un concept de toutes les plaintes liées au monde du travail, ce qui n'enlève rien de sa pertinence et ne doit pas faire oublier sa signification, témoigner de la souffrance du nombre de salariés. Il y a donc un grand nombre de personnes qui sont touchées. Et là, elle a eu un grand entretien dans Travail et Sécurité, qui est des propos recueillis par Lucien Fauvernier. Elle parle comme le travail et la sécurité, c'est la définition du burn-out ou syndrome. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre que l'individu rencontre un environnement et que c'est dans le cadre de cet environnement que l'individu va avoir un burn-out. C'est pas l'individu en lui-même qui va le déclencher, c'est dans le cadre dans lequel il va se retrouver. Donc, les individus ont une multitude d'obligations, de pressions, d'externes croissantes, des exigences grandissantes de la part des autres et un salaire qui ne compense que partiellement les efforts fournis. Donc, on se trouve quand même dans une situation où on remarque bien que l'individu n'est quand même pas automatiquement impliqué, même quand bien même, peut-être que il aurait été moins gentil, mais est-ce qu'il pourrait se déshumaniser, ne plus être qui il est ? C'est une vraie question, ça. Et dans cet entretien qu'elle a avec Lucien Favernier, elle dit quand même que la direction de l'animation de la recherche dans des études et des statistiques publia un article en 2019 indiquant que 40% des salariés français étaient en souffrance éthique au travail. Or, il est établi que mal travailler est un facteur majeur d'épuisement. beaucoup plus que la surcharge de travail. Ce qui veut dire que quand on oblige les gens de blackler leur travail, je parle aux aides-soignantes qui ne peuvent plus s'occuper humainement de la personne, eh bien, c'est beaucoup plus une cause de burn-out que si elles avaient plus de travail à fournir, et ce qui est quand même une ambiguïté. Il apparaît ainsi que derrière le mode du burn-out se cache une vraie complexité. C'est pourquoi elle doit être abordée de façon multifactorielle pour ne plus se résumer à un syndrome de la défaillance personnelle. Et là, j'insiste là-dessus. On ne doit pas aller pointer du doigt l'individu. Il faut regarder la situation, regarder la chose en elle-même. Parce que c'est facile. Je pensais aux psychologues du travail qui m'ont dit « oui, mais il y a des profils ». Alors, je remets la situation dans son contexte. Je suis en burn-out, je suis complètement dans le fond du trou, je ne peux plus assumer mes responsabilités familiales, je vais donc devoir voir une psychologue du travail dans le cadre de mon travail parce que je ne supporte plus, c'est vraiment une catastrophe, il y a une ambiance extrêmement mauvaise, on me harcèle parce qu'en même temps, je dois faire multi-choses à la fois parce qu'on a licencié deux personnes. Et puis, je me retrouve seule dans le cabinet et là, je suis déjà en état dépressif, hein, c'est pas une dépression, mais en état dépressif et déjà... J'ai pas la patate et je suis à me dire, ben oui, c'est de ma faute. On la connaît par cœur, celle-là. Hein? La jeune fille qui est à la police et on lui dit, oui, mais vous aviez mis du rouge à lèvres et puis vous étiez bien mignonne et puis vous avez traversé la route en courant et votre jupe s'est remontée. Oui, monsieur, ah ben oui, j'aurais pas dû parce que dans l'état de choc dans lequel les gens se trouvent, ils ne peuvent que être d'accord avec ce genre de choses. Donc, je suis pas d'accord fondamentalement sur l'histoire du profil. Et ça, pour moi, c'est important. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui me paraît important, c'est les entreprises libérées. Alors, je l'avais pas vu comme ça. Et je trouve intéressant qu'on puisse en parler parce que les entreprises libérées, c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir comment le management a su tronquer pour faire des économies d'employés. Et il y a aussi ces entreprises, on peut en parler, vous l'avez évoqué, les entreprises libérées, oui. Où alors là, on distingue le travail réel du travail prescrit, et c'est à nous de savoir, salariés, ce qui est notre temps réel de travail, et donc de le travailler quand on veut, par exemple les week-ends, la semaine, le soir, le matin, la nuit, que sais-je, du travail prescrit, où là, on devrait pointer à nos heures de bureau. Oui, alors la base de l'entreprise libérée, c'est un patron qui décrète du jour au lendemain, unilatéralement, qu'il va libérer son entreprise. Je libère mon entreprise. Moyennant quoi, En fait, il libère surtout des bureaux. Non, mais ça commence par ça commence déjà par révoquer une bonne partie de la hiérarchie intermédiaire et de la hiérarchie de proximité. C'est faire beaucoup d'économies, hein, et de révoquer aussi certaines directions opérationnelles. Pourquoi ? Parce qu'on va demander aux travailleurs de base d'assumer par petits groupes ces tâches pour s'auto-gérer, s'auto-manager, s'auto-discipliner, s'auto-motiver. Voilà. Donc c'est eux qui vont faire en plus de leur travail toutes ces tâches qui sont compliquées, hein, parce que décider qui va avoir une prime, qui va avoir la possibilité de partir plus longtemps en vacances, etc. Oui. Non, allez-y. Non. Donc c'est compliqué. Alors le leader a une vision, moyennant quoi les followers. Ça indique quand même les suiveurs. Donc oui, les followers, mais c'est ce qu'on dit dans les sectes. Hein. Les followers. On dit aussi sur Twitter. Intérioriser complètement la vision de leur leader, et s'ils l'intériorisent complètement, on peut leur faire confiance parce que ils vont être les relais inconditionnels de la pensée du manager en chef. Et donc, comme disent certains patrons libérateurs, nous on libère tout le monde parce que ceux qui intériorisent, on leur fait confiance, ils sont libérés. Ceux qui intériorisent pas, on leur fait prendre la porte, on les libère aussi. Voilà. Donc il y a quelque chose quand même de très hypocrite dans cette manière de faire. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Donc, on libère les gens. Oui, alors tu décides toi-même de ce que tu vas faire, de ton organisation du travail. Moi, je l'ai vécu, ça. Et c'est vrai que c'est une double charge, c'est-à-dire qu'on fait le job un peu de tout le monde. Hein. Vous avez des objectifs à atteindre fin d'année, mais on ne vous dit pas comment vous y prendre, ni rien. Donc, vous devez atteindre ces objectifs. C'est une pression qui est phénoménale. Et là, on parle de... justement, cette étude que j'étais en train de lire, de ce que vous pensez devoir faire, de ce que vous faites réellement et de ce que vous ressentez à propos de ce travail. Et c'est souvent trois choses différentes. Donc, ce que vous pensez devoir faire, c'est la charge prescrite. Qu'est-ce que c'est? C'est votre feuille de route claire. les objectifs, les tâches, les outils fournis. Alors, souvent, c'est pas clair déjà là. Hein. Là, souvent, on s'entend dire « ça ne te prendra que 2 minutes », or qu'on sait pertinemment que ça va nous prendre une demi-journée. Donc ça, c'est la charge prescrite. Bon, ensuite, il y a la charge réelle. Si la charge prescrite était un chemin de randonnée bien balisé, la charge réelle serait la version avec des racines traîtres et des pierres glissantes. Ça veut dire que ce sont les imprévus, les ajustements de dernière minute, hein, parce que ça, c'est la charge réelle. Ben, typiquement, l'IA, aujourd'hui, nous avons un petit problème technique et je ne savais plus où tu étais, mais tu étais dans les fils, sous la table, dans les serveurs. Voilà, je te regardais, je disais, elle n'est pas là, non. Oui. J'étais en dessous de la table. Oui, exactement. Donc voilà, les imprévus, les ajustements de dernière minute. Hein. Et donc, le soutien imprévu de vos collègues pour tenir les délais. Donc, ça demande aussi à être soutenu par ses collègues. Et c'est ici que le vrai travail se fait souvent avec plus de sueur et de larmes que prévu. Ensuite, il y a la charge vécue. Et donc, c'est bien 3 choses différentes. La charge prescrite, la charge réelle et la charge vécue. C'est la plus subjective des 3. La charge vécue est le reflet de vos sentiments intérieurs sur le travail. C'est votre expérience personnelle teintée par vos émotions, votre stress et parfois même votre satisfaction. Donc, on voit bien la psychologie... Non, oh, j'y arriverai pas. Hein. Psychologisation... qu'on fait du travail, c'est-à-dire que vraiment l'individu doit être extrêmement investi dans ce qu'il fait, mais au point de vue émotionnel. Hein. Ben oui, on cherche le bonheur au travail, alors c'est un petit peu ambigu aussi ça, je trouve ça un peu ambigu. C'est la partie de l'iceberg qui fait que le manager le plus empathique peut avoir du mal à voir sans un dialogue ouvert. Donc s'il n'y a pas de dialogue avec le manager, ben, ça va être compliqué. Donc, c'est des pratiques de management qui ne tiennent pas compte de la charge de travail réelle et qui poussent constamment les employés à leurs limites et qui peuvent créer des environnements de travail stressants et démotivants. Donc ça, on doit bien prendre en compte qu'il y a aussi... C'est pour ça que j'ai mis en avant le management parce que on parle de l'individu et du profil, très bien, mais est-ce qu'on parle du management et du profil du management. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on en parle de ça. Donc, ça, c'est quand même important de voir à quel point on est, je dirais, poussé par des motivations qui sont pas toujours comme on aimerait. Une dernière petite pause musicale parce que j'aime beaucoup cette chanson. Je me souviens la première fois que je t'ai vu. Quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi, je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux, la gueule au vent. Tu m'as dit c'est pour la vie, si tu m'aimes, peut-être la mort aussi. Allez viens, je t'emmène. J'ai hésité un instant, maintenant je te le dis, car aujourd'hui je suis ton amant, ma liberté chérie. Lili, ma Lili. On avançait à contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de points levés, d'étendards, de preuves ou de lois. Fou d'amour, mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez, on leur fera un peu de place dans ton lit. Lili, ma Lili. J'ai traversé tant de pays en criant ton nom, liberté. J'ai dormi dans tant de lits en criant ton nom, liberté. Je me suis fait tellement d'amis en criant ton nom, liberté. Et quelques ennemis aussi, oh liberté chérie. Liberté. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Alors, on va peut-être terminer l'émission sur quelque chose de très, très positif. Le but ultime que je vois dans notre travail associatif, c'est un jour, peut-être, serai-je encore vivante. Ça reste à définir. Mais oui, tu es immortelle, Catherine. Oh, peut-être à travers les émissions. Quand je vois que tu as réécouté des émissions des années 70, tu pourras écouter, quand tu auras mon âge, les émissions en disant « Ah, Catherine, je me souviens. » Bon, là, je mangerai le pissenlit par la racine. Mais là, le problème n'est pas là. Mais non, mais le Graal ultime, c'est un Me Too. Et quand je dis Me Too, il y a vraiment une image dans cette, je dirais, avancée énorme dans le burn-out qu'on arrête. C'est vrai qu'avec ces Me Too, avec tout ce qui a été mis en avant sur le harcèlement, ça commence déjà à devenir plus clair. Un homme ne peut plus se permettre de faire une blague sexiste en riant, en disant c'est pour rire, par exemple. Là, ça va pas passer. À l'heure actuelle, les jeunes générations, ça passe pas. Alors, espérons que dans un certain temps, on aura ce côté, eh bien, moi aussi, j'ai fait un burn-out. Et je n'étais pas un profil, mais mon entreprise était un profil. Oui, j'avais un profil, je suis très empathique, mais j'ai trouvé un travail où mon empathie était valorisée. Parce qu'il y a ça aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas valoriser, je dirais, je donne un exemple. On parle du perfectionniste comme étant le loup-garou du burn-out. Oui, mais c'est un perfectionniste. Peut-être. Mais vous savez qu'il y a des métiers où les perfectionnistes en sont nécessaires. Typiquement, l'IA, le professionnalisme et le perfectionnisme font que tu as réussi pendant 7 heures d'émission à faire que les auditeurs nous entendent. Hein ? J'espère. Hein. Oui. Et donc, c'est bien cette qualité que tu as de faire les choses minutieusement et d'être vraiment très professionnel qui a fait que tu as su faire ça. Donc, ce sont des qualités. Donc, arrêtons de dire qu'il y a un profil et arrêtons de pointer du doigt. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura juste un robot qui pourra faire la chose parce que le robot, on lui aura fait une liste. On lui dira, tu t'arrêtes là. Donc, je comprends pas, là. Est-ce que je suis sotte? Ah non, je ne pense pas, non. Hein, non, non. Voilà. Mais c'est un petit peu le reflet de, tu sais, même quand t'es enfant à l'école, hein, quand t'es trop ceci, trop cela, et puis qu'en fait on te prend pas individuellement dans, en fait, dans ta sensibilité, dans ce que tu as, tu peux proposer de différent ou d'autres, et ben en fait t'es tout de suite stigmatisé, victime de discrimination, et en fait l'entreprise c'est un peu la suite. C'est la suite, oui, exactement. Donc, chères auditrices et auditeurs, nous nous retrouverons dans 15 jours avec Lou, car nous souhaiterons des bonnes vacances à l'IA. Et vraiment, bonnes vacances. Et dans un mois, nous retrouverons l'IA. En attendant, chères auditrices et auditeurs, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne après-midi.